levé du pied gauche et croisé un chat noir. On est bien mal parti, la journée sera noire. Oui, ça porte malheur, on ne veut pas y croire. Alors on touche du bois et on croise les doigts. Un trèfle à quatre feuilles ou un fer à cheval. Certains sont prêts à tout pour repousser le mal. Et si c'est pas assez, même sans savoir pourquoi, alors ils touchent du bois et ils croisent les doigts. Ça porte bonheur de marcher dedans, mais qui ferait ça volontairement? Tiens, t'as gardé nos souliers tout blancs. Ça porte bonheur de marcher dedans. Ça porte bonheur de marcher dedans. Passer sous une échelle au mépris des rumeurs, éclater un miroir, c'est sept temps de malheur. Comment se protéger de ce qui nous fait peur? Alors on touche du bois et on croise les doigts. Certains sont rassurés en portant des gris-gris et en jetant des pièces dans la fontaine de Trévis, tout en faisant des vœux, des signes de la croix. Alors ils touchent du bois et ils croisent les doigts. Ça porte bonheur de marcher dedans, mais qui ferait ça volontairement? Tiens, t'as gardé nos souliers tout blancs. Ça porte bonheur de marcher dedans. Ça porte bonheur de marcher dedans. Souliers tout blancs, ça porte bonheur de marcher dedans.